dans le ciel. Je vis loin du monde, loin du game bambina. 400 ans fouella, baby mama buena. J'ai besoin de toi dans ma vie, umbrella. Petite coquine, t'aimes bien quand je te pénave. Même si t'es chiante, bad girl, t'es pas vénale. Them love the way me dig, the way me talk. Bobby pack up a les drop, you know where me from. Them love the way me dig, the way me talk. Bobby pack up a les drop, boy where you from. You know my day, I feel link up the girl them. Pour l'argent nous qu'a fait, ouais n'oublie spend. Si tu gagnes copine pour mon plaid, faut send them. Feel right on the bike, you know like a yang yang. So what? Tu me diras je sais pas. En tout cas pour moi la musique ça c'est marre. Tapis dans ton silence, tu m'as menti sciemment. Les épaules recouvertes de diamants. Baby quel est diamant. Laisse-moi te dire avec un piano. Ta poitrine c'est chez moi. Parce que t'es ma tie et moi. Tellement sous des jaloux c'est par les si à moi. You know my day I feel link up the girl them. Pour l'argent nous qu'a fait ouais n'oublie j'ai spend. Si t'as qu'un copine pour mon plaid faut send them. Feel right on the bike you know like a yang yang. Trust me it's not like that.